ça c'est un bon Dieu. Le décès du Fouet, vraiment, où nous sommes là, nous sommes les taximètres, ça nous a tout découragés. Vous faites un monument. Vous représentez tout pour tout Ivoirien. Disons que j'étais d'accord avec lui jusqu'à ces dernières années. À partir de 86, pour moi, eh ben, il devait déjà commencer à préparer la relève. Le vieux, il est présenté vraiment beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire est en deuil. La veille de ce témoignage, Félix Houphouët-Boigny, le sage de l'Afrique, s'est éteint dans sa ville de Yamoussoukro. Avant même le décès du père de l'indépendance, le président de l'Assemblée nationale, Henri Conan Bédié, et le premier ministre, Alassane Ouattara, avaient déjà ouvert la guerre de succession, mais le tout, Elikam Mokolo, dans un mauvais climat politique et économique. La crise économique a frappé la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années et dans ce contexte économique très incertain et compte tenu des ambitions politiques longtemps contenues par la présence du vieux, toutes les armes sont bonnes et contre Alassane Ouattara, c'est l'arme de la nationalité, la question de l'ivoirité qui va être utilisée pour l'écarter du jeu politique. Alassane Ouattara, justement, que nous écoutons 6 ans plus tard au micro de RFI.